Douzièmement, du milieu de l'abîme, on les vit surgir dans l'ombre impure. L'un ressemblait au meurtre et l'autre à la luxure, l'autre à la fraude, l'autre à l'orgueil, celui-ci au mensonge. Et d'horreur, je demeurai saisi, car ils avaient du mal toutes les ressemblances. À travers cette nuit, les brouillards, les silences, dans ce gouffre sans fond de toutes parts béant, dans ces immensités qu'emplissait le néant, il se dressait, le sceptre appuyé sur l'épaule. Les uns, Moloch blanchi par les neiges du pôle, d'autres, ayant au front un reflet du midi, tous habillés de pourpre et d'or, l'œil engourdi, l'air superbe, l'épée au flanc, couronne en tête, globe en main. Chacun d'eux était seul sur le faîte d'un trône, comme un roi d'Édom ou d'Issachar, et chaque trône était porté sur un grand char. Devant chaque fantôme, en la brume glacée, ayant le vague aspect d'une croix renversée, venait un glaive nu, ferme et droit dans le vent, qu'aucun bras ne tenait et qui semblait vivant.